Île Féroé. J'écris dans cette langue que je ne parle pas, mais que tu connais. Une langue perdue, chassée par des nouveaux courants. Irlande. Une langue imbibée de moiteurs salines. Brest, France, 48 degrés nord. Un flot continu se répand sur les papiers. Gulf Stream. C'est à la rencontre des mers du Labrador, de Norvège et celle du Groenland que l'océan Atlantique prend son nom. À la limite du cercle polaire, dans un vaste champ de glace traversé par des chenaux aux formes de serpents de mer, dans un paysage jonché de glaciers, de icebergs et de banquises, dans ce milieu blanc où la terre, l'air et l'eau se confondent, solide, liquide, flocons flous et brouillard se mélangent. Flot des glaces. Mer des chiffres, nébuleuse. Brume fiévreuse. Deux à quatre mètres de croûte glacée isolent l'océan de l'atmosphère. Trempeuse immobilité. À travers ces eaux froides et denses, comme des nuits millénaires, le paysage terrestre se réfracte, reproduisant vallées, plateaux, chaînes de montagnes, dont les cimes amassées en archipel pointent vers le ciel. Cirques, détroits, canyons et volcans éteints qui dessinent à fleur d'eau de délicats atolls. Les courants marins remplacent les vents. Stratification des fluides. Mise en mouvement des couches d'eau océaniques sous l'effet de variations de densité dues aux modifications de salinité et de température. Gulf Stream. Porto, 41 degrés nord. Lisbonne, 39 degrés nord. Je t'imagine debout sur la passerelle. Les Açores. Tenir frileusement les cols de ton manteau, de tes doigts maigres, et chercher dans l'immensité du bleu qui t'entoure quelques signes qui puissent donner raison à cette folle aventure. Les îles Canaries. Autour de toi, des voix se mêlent au bruit des vagues. Troupique du concert. Ils sont polonais, russes, allemands, ukrainiens, arméniens. Leurs paroles te semblent d'une singulière familiarité, comme si chaque mot en cachait un autre que tu comprends. Tu connais la précarité des sentiments. Tu sais que dire sa peur dans l'air incisif écocherait une confiance déjà vacillante. Cap Vert, Dakar, Sénégal, Équateur, Hémisphère Sud. À l'arrière du bateau, deux traînées blanches cherchent à maintenir leurs attaches encore un instant. Mais l'océan les saisit dans ses remous. Elles s'étirent, se brisent pour se perdre. À peine née que déjà la tangibilité de la mort nous rattache au présent. Tu resserres ton col. Brasil, Brésil, penses-tu. Tes lèvres se réchauffent au contact de ce mot. Brasil, sa sonorité rieuse, apaisante. Comme le premier rayon de soleil sur la peau après un long hiver. Brasil, Brésil. Les statistiques rapportent qu'au début des années 20, c'est environ 1 million de réfugiés qui chaque année a quitté l'Europe pour l'Amérique du Nord. Mouvement migratoire qui devait fixer ses repères il y a 500 ans. 500 ans, précisément la durée du cycle migratoire atlantique. Le bateau poursuit sa course, défiant la mer qui s'abat sous ses flancs. Il s'enfonce de plus en plus loin dans l'épaisseur des brumes aveugles. Sonde l'impalpable. Dérive des sentiments. Sillonnement intercontinental suppose la lente progression des eaux profondes vers l'hémisphère sud. Un trajet au plus près du centre de la Terre, moulé au plancher océanique. New density. Nouvelle densité. Nova densidade. Neue Vista. Mes mots s'enfoncent lentement vers le cœur de l'océan, le coração do oceano. C'est les prémices d'un long voyage. Un tour du monde en mers inconnues. Un tour mondial pour mares desconhecidos. A world tour on unknown seas. Thank you. 7758 mètres de profondeur. La glace de mer est essentiellement constituée d'eau douce. Une fois formée, la glace expulse son sel, la saumure se mélange à l'eau qui, déjà densifiée par sa température très froide, s'alourdit davantage. La couche d'eau supérieure, plus dense que les couches sous-jacentes, cherche à échanger sa place. La colonne d'eau, devenue instable, plonge alors vers les profondeurs océaniques. Je porte moi la mer. Je connais son rythme. Mer, mer, mer. Sim. Eu trago o mar dentro de mim. Eu conheço seu ritmo. É ele que sob suas ondas balança teu destino. É ele que carrega o meu. Montevideo, 35 degrés sul. Montevideo, 35 graus, latitude sul. São Paulo, 24 degrés sul. Tropique du Capricorne. Trópico de Capricórnio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Equateur. Hemisfério Norte. Hemisfério Norte. Jailliront ces mots d'ici quelques centaines d'années dans la langue de nos héritiers. They will spring back these words in few hundred years in the tongue of our hearers. Renewed and alike, différent et ancien. Entre l'ailleurs convoité et les terres ancestrales, jadis terres adoptif. Caracas. Paramirabo, sim, Renote. Porto Rico. Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. Libermude. Libermude. Nova York. New York. Le Grand Banc de Terre Neuve. Terra Nova. Mer du Labrador. Après avoir cheminé lentement vers le sud de l'Atlantique, contournant le cap de Bonne-Espérance et poursuivant son chemin vers l'est, au fond de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, c'est au cœur de cet océan que les eaux profondes refont surface avant de revenir à la mer de Norvège par un chemin à peu près identique, remontant toute l'Atlantique du sud au nord pour plonger à nouveau là où le Groenland étire sa langue de glace. Beständiges Kreisen. Cyclus permanentes. Cycle permanent. Permanent cycles. Permanent cycles. Balancement périodique. Périodisches Wiegen. Cycle permanent. Jeu de flux et de reflux. Flux. Reflux. Flut. Ebbe. Spiel von Ebbe, Flut und Flut. Ebbe. Abebben. Ebbe. Zurückfluten. Ebben, Flut, Ebbe, Flut, Ebbe.